Osée chapitre 6. Venez, diront-ils, et retournons à l'Éternel, car c'est lui qui a déchiré, mais il nous guérira, il a frappé, mais il nous bandera nos plaies. Il nous aura remis en vie dans 2 jours, et au 3e jour il nous aura rétablis, et nous vivrons en sa présence. Car nous connaîtrons l'Éternel, et nous continuerons à le connaître, son lever se prépare comme celui du point du jour, et il viendra à nous comme la pluie de la dernière saison qui humecte la terre. Que te ferai-je, Ephraïm? Que te ferai-je, Judas? Puisque votre piété est comme une nuée du matin, comme une rosée du matin qui s'en va. C'est pourquoi je les ai charpentés par mes prophètes, je les ai tués par les paroles de ma bouche, et mes jugements sur eux seront, comme la lumière qui se lève. Car je prends plaisir à la miséricorde, et non point au sacrifice, et à la connaissance de Dieu, plus qu'aux holocaustes. Mais ils ont transgressé l'alliance, comme si elle eût été d'un homme, en quoi ils se sont portés perfidement contre moi. Gala est une ville d'ouvriers d'iniquité, rusés à tuer. Et comme les bandes des voleurs attendent quelqu'un, ainsi les sacrificateurs, après avoir comploté, tuent les gens sur le chemin du côté de Sichem, car ils exécutent leurs méchants desseins. J'ai vu une chose infâme dans la maison d'Israël, là est la prostitution d'Ephraïm, Israël en est souillé. Aussi Judas te moissonnera, quand je ramènerai mon peuple captif.